cache la morsure, la passion loyale, des serments qu'on se jure. Si l'amour se fissure, je me dresse en serpent fatal. Ma morsure est pure, car elle veut l'idéal. J'ai peur, tu sais, mon sourire, à courir ce bonheur de madame. Si peur, tu sais, mes soupirs, à simuler l'amour comme le meilleur. J'ai peur d'épouser le mes égorgures, car nous